T'as juste pris ton cul. Ta gueule, toi. Comment on appelle le nain de jardin qui fait des poèmes dans sa cabine en tongue? Gérard. Bah, il faisait 120 kilos, il avait des gros stress et il fait de la gueule. Tu veux penser, c'est... Ah non, c'était pas Sandy, elle avait pas une grosse couche de fond de temps sur la gueule. Bah, foutez-vous pas de ma gueule. Mais ça, t'en t'arrête de bosser comme il faut, sinon t'en prends autant. S'en fout, gros porc. Ouais, tu fermes ta gueule ou quoi, le porc? Manu, tu fermes ta gueule. Bon, allez, terminé, conclusion, hop. Bouge ton doigt, mais mets ton doigt dans mon cul, mon pied dans le cul, tu le veux? J'écarte toi, vas-y. Non mais attends, le Star System, pour l'instant, le Star System n'est pas là, c'est moi qui commande le jeudi. Tu le dars, c'est mes débats, donc c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande le jeudi. Fildar, tu vas prendre une claque. Fildar, tu me fais bander. Fildar, espèce de gros porc, vous, vous me faites de la merde. Manu et Fildar, vous me faites que de la merde. J'étais sur le marché parce que Sandy, elle m'a fait une paire de chaussures. Et là, ouais. C'est de la merde, là. Ouais. Mais je vais te dire une chose. En euros, ça valait 6,95. 6,95. C'est de la merde. Mais ouais, c'est de la merde. Je te prends dans le cul, toi, si je te merde, toi, connard. Moi, cette année, j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme lui. Hein. Donc, Rigaud, pour l'instant, tu fais un boulot correct. Ouais, mais j'en ai marre.